le Moyen Âge est à la fois proche et loin de nous. Proche puisque nous en sommes sortis et qu'il a fortement marqué nos mentalités, nos sensibilités, le monde dans lequel nous vivons, mais aussi lointain. Le Moyen Âge se présente à nous aujourd'hui comme un univers exotique. Et il n'y a pas, me semble-t-il, de meilleur ouvrage dans lequel prendre bien conscience de cette proximité et cette distance que nous avons avec le Moyen Âge que celui dont nous allons parler ce matin. Il s'agit de l'ouvrage de Michel Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, paru aux éditions du Seuil, dans la collection La librairie du XXIe siècle, dirigée par Maurice Olader. Et pour en parler, sont réunis autour des micros des lundis de l'histoire, l'auteur, Michel Pastoureau, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, 4e section, et à l'École des hautes études en sciences sociales, et notre invité, Jacques Berlioz, directeur de recherche au CNRS. Michel Pastoureau, ce livre est un peu, me semble-t-il, la synthèse de vos recherches, de vos idées, de tout ce que vous avez apporté de profondément original sur la civilisation médiévale, car elle repose à la fois sur une large érudition, une connaissance des textes et des images inégalées, et en même temps, un point de vue extrêmement neuf, le plus souvent, si vous me permettez de le dire, un point de vue souvent d'anthropologue autant que d'historien. Mais je veux rassurer nos auditeurs, ce livre est un livre d'histoire et il l'est d'autant plus qu'il insiste sur le fait que les thèmes qu'il traite et qui apparaissent justement comme des thèmes hors de l'histoire, Michel Pastoureau montre qu'au contraire, qu'ils appartiennent à l'histoire, qu'ils ont une histoire et il est extrêmement sensible à ce qui est l'épine dorsale de la réflexion historique, la chronologie. Michel Pastoureau, ce livre donc, c'est une histoire symbolique du Moyen Âge et votre première proposition est une des caractéristiques qui différencie le Moyen Âge de notre époque, c'est que même si celle-ci intègre beaucoup d'éléments symboliques, d'ailleurs plus souvent des éléments symboliques renouvelés, elle n'est pas autant que l'a été le Moyen-Âge, une civilisation du symbole. Pouvez-vous présenter cette idée à nos auditeurs ? Oui, le livre s'articule autour de cette notion d'histoire symbolique, c'est-à-dire une branche de l'histoire culturelle, qui se propose d'étudier les animaux, les végétaux, les couleurs, les nombres, les gestes, les rituels, les comportements, non pas tant pour eux-mêmes, mais en tant qu'ils sont signes de quelque chose, et ce quelque chose renvoyant souvent à une idée, à une notion, à quelque chose d'abstrait. Un ours, par exemple, pour la culture médiévale, c'est à la fois l'animal que nous connaissons sous ce nom, mais c'est aussi, dans une partie de l'Europe, le roi des animaux, c'est un attribut du pouvoir, c'est un animal qui est pensé comme cousin de l'homme ou ancêtre de l'homme, c'est un animal qui renvoie à l'idée virilité, de sauvagerie, de pilosité. Et puis dans le système des péchés capitaux, c'est l'attribut de la colère, de la paresse, de la gourmandise, de la luxure. Donc autour du dossier ours, c'est tout cela que l'histoire symbolique va étudier. Et je voudrais souligner tout de suite que cet ouvrage me paraît être le chef-d'œuvre de cette orientation de l'histoire qui prend de plus en plus d'importance depuis un certain nombre d'années, l'histoire de l'imaginaire. Dans ce contexte, Jacques Berlioz, vous aviez en particulier, je crois, quelques remarques à faire Sur un des éléments de cette pensée symbolique, l'étymologie, et aussi sur la notion d'écart. De quoi s'agit-il ? D'abord, avant de parler de cette notion d'écart, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans cet ouvrage, c'est le symbole considéré non plus, j'allais dire, ou non pas seulement comme une signification, mais comme un mode d'intervention. C'est-à-dire que le symbole n'est pas vu simplement du côté du sens, mais du côté dynamique, de son côté, du côté de l'efficacité. Et cela, je veux dire, c'est extrêmement nouveau. Et connexe est cette notion précisément d'écart, qui est un mot qui intervient presque tout le temps dans les textes et dans les études de Michel Pastoureau, qui étudie celui qui fait écart. Hein, le roux, enfin, nous allons sans doute en parler, l'animal meurtrier, le bois, le teinturier, les gauchers. Et il montre comment ce qui fait écart précisément dans le système symbolique et également dans le système de discours médiéval a une grande efficacité. Cet écart attire l'attention et dans le discours, par exemple, de prédicateur, qui s'adresse à un auditeur, disons, souvent populaire. Le fait de citer un fait qui fait écart attire l'attention et par là est efficace. Vous voulez citer un exemple ? On peut citer un exemple, par exemple, dans la prédication, quand un prédicateur cite ce qu'on appelle le péché de Charlemagne. Charlemagne avait commis de gros péchés, dont l'inceste, refusait de se confesser, et pourtant... L'inceste avec sa sœur. Oui, et avec ses filles aussi, dit-on. Et il refusait absolument de se confesser, et finalement, l'absolution lui a été donnée par la voix d'une colombe qui a apporté le pardon de ses péchés dans un petit bout de parchemin. Bien. Donc, cela n'est pas du tout correct sur le plan théologique. Or, ce récit a été utilisé d'abondance par les prédicateurs. Pourquoi ? Parce que le personnage était connu et en même temps, il faisait écart par rapport au discours théologique ambiant. Donc, il faisait écart, mais en même temps, il était efficace. Et ça, c'est un discours que l'on trouve très souvent au cours du Moyen-Âge. Et l'étymologie ? Alors, pour l'étymologie aussi, alors là, c'est, là encore, très souvent, Michel Pastoureau fait une attention au vocabulaire. Au vocabulaire, et ça, c'est très important. Et il y a une expression que j'aime beaucoup, qu'il emploie, les enjeux du lexique. Les enjeux du lexique, c'est-à-dire qu'il montre comment le vocabulaire n'est pas neutre, n'est pas gratuit, mais au contraire, doit être impérativement étudié. Par exemple, lorsque l'arbre, qui en latin se nomme taxus, eh bien, il est lié très souvent par les étymologistes, par les encyclopédistes, à toxique, hein, toxicus. Donc, l'arbre, du même coup, prend quelque chose de tout à fait négatif. Et cela, on le retrouve partout, dans quasiment toutes les études, et c'est très important. Aux yeux des linguistes scientifiques actuels, ce sont ce qu'il faut appeler de fausses étymologies. Mais historiquement parlant, et en particulier pour le Moyen-Âge, la fausse étymologie est très révélatrice. Et un grand document d'histoire pour l'historien qui doit se souvenir que notre savoir étymologique d'aujourd'hui, dans 2 ou 3 siècles, fera peut-être sourire nos successeurs. Ce ne sont pas des vérités philologiques et sémantiques, mais des étapes dans l'histoire des savoirs. Voilà encore où l'histoire s'insère. Rappelons à nos auditeurs que l'un des savants que l'on considère comme les pères du Moyen-Âge et de la civilisation médiévale, l'Espagnol Isidore de Séville au 7e siècle, a appelé l'œuvre considérable et qui a eu une influence énorme au Moyen-Âge, étymologie. On peut donc dire que l'étymologie est une des bases du savoir médiéval. Oui, pour la culture médiévale, la vérité est d'abord à chercher dans les mots et non pas dans les êtres et dans les choses désignées par ces mots. Maintenant, Michel Pastoureau, tournons-nous vers ces objets symboliques que vous étudiez dans votre livre et qui vont être dans l'ordre l'animal, le végétal, la couleur, l'emblème et le jeu. Commençons par l'animal et tout de suite, vous nous présentez l'animal dans un contexte déconcertant. C'est l'animal au tribunal, ce sont les procès d'animaux. Oui, du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle, en Europe occidentale, on a conduit au tribunal un certain nombre d'animaux, souvent des ce qu'on appellerait nous des gros mammifères domestiques qui avaient commis des crimes et des délits, pillé une boutique, dévasté un jardin, mais aussi causé des accidents, blessé ou mangé des enfants. Et ces animaux sont emprisonnés, passent en jugement, parfois condamnés, on leur donne un avocat pour se défendre. Donc, des comportements tout à fait différents des nôtres, mais qui, si on y réfléchit bien, impliquent entre l'homme et l'animal des liens peut-être plus forts que ceux que nous entretenons. En effet, penser que les animaux sont responsables de leurs actes, que ce sont des êtres moraux, perfectibles, c'est impliquer qu'ils comprennent plus ou moins ce qu'est le bien et le mal, et donc qu'ils relèvent d'une problématique à la fois de l'éthique et du salut. Vous nous donnez un exemple ? Alors oui, la vedette de ces procès d'animaux, et ça n'est pas un hasard, c'est le cochon. Neuf fois sur dix, c'est un porc ou une truie qui est conduit au tribunal, à la fois pour des raisons matérielles, les cochons sont très nombreux, vagabonds à la ville et au village, et occasionnent beaucoup d'accidents, et en même temps, le cochon est pensé par le savoir, notamment le savoir médical, comme l'animal biologiquement le plus proche de l'homme. Et je crois que juridiquement, ça explique aussi qu'on le conduise au tribunal. Alors, l'affaire. Une bête singulière. Une bête singulière, comme dit le beau livre de Claudine Fabre. Donc, le dossier le mieux documenté se passe en Normandie à la fin du XIVe siècle. C'est la truie de falaise. Une truie, au début du mois de janvier, avait renversé le berceau d'un nouveau-né qui était mal surveillé, avait commencé à lui dévorer le visage et le bras. Elle est capturée, elle est mise en prison, on paye quelqu'un pour la surveiller et pour la nourrir. Ces dépenses, d'ailleurs, nous valent des documents d'archives. C'est comme ça qu'on piste ces procès faits aux animaux. Le procès lui-même a duré 9 jours. Nous connaissons le nom du juge, nous connaissons le nom de l'enfant qui a été blessé puis qui est mort. Nous connaissons le nom du propriétaire de la truie. Finalement, elle est condamnée à être pendue, mais avant d'être pendue, elle est habillée avec des vêtements d'homme. Elle est mutilée aux mêmes endroits que ceux où elle avait mutilé l'enfant. Et puis, elle est traînée rituellement, pendue, brûlée, ses cendres sont dispersées. Et le juge, qui est le bailli de Falaise, a l'idée étonnante pour nous d'inviter les paysans qui vivent alentour de venir voir le spectacle de l'exécution de la truie, non seulement en famille, mais avec leurs propres cochons, pour que ce spectacle leur fasse enseignement, dit le document. Et il demande également qu'une grande peinture soit réalisée dans l'église de la Trinité de Falaise pour garder mémoire de l'événement. Et cette peinture était encore visible sous l'Ancien Régime. Elle ne semble avoir disparu qu'au début du XIXe siècle. Un événement de ce genre, dont les chroniques gardent la mémoire, et qui a été un événement de première importance, n'a pas donné lieu, je crois, à un procès, mais c'est un épisode étonnant de l'histoire de France. C'est la mort du fait d'un cochon errant, d'un jeune roi de France. Le prince Philippe, oui, en effet, le fils aîné du roi Louis VI, mort d'une chute de cheval dans une rue de Paris en 1131, à cause d'un porcus diabolicus, comme dit Sugère, d'un porc diabolique qui s'était mis dans les pattes du cheval. C'est un événement considérable, parce que ce fils aîné qui avait déjà été sacré roi de France, donné de grands espoirs, il est mort, c'est le cadet qui deviendra roi, donc le futur Louis VII. Son règne sera catastrophique, et pour le royaume, et pour la dynastie. Et cette mort du prince Philippe, à cause d'un porcus diabolicus, a été ressentie comme une véritable souillure pour la dynastie capétienne. Oui. Jacques Berlioz, Michel Pastoureau vient de rappeler que le verdict de ce procès de la truie de Falaise avait été proposé comme un enseignement aux fidèles, parce que derrière ces procès d'animaux, il y a une idée très profonde au Moyen-Âge qui est celle du caractère exemplaire des animaux. De quoi s'agissait-il ? Mais précisément, là, je crois qu'il y a un problème, parce que Michel Pastoureau dit que ces procès d'animaux étaient en fait des exemplats ritualisés, c'est-à-dire que leur but, finalement, était d'être exemplaire. Alors, on peut se poser la question, précisément, pour qui ? C'est-à-dire, est-ce que on peut penser que les autres porcs, les autres cochons, pouvaient être poussés à ne pas commettre de tels délits, c'est-à-dire là donc le statut de l'animal serait extrêmement positif. Est-ce que au contraire on peut penser que ce sont les hommes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser divaguer les animaux domestiques. Est-ce que, et là c'est une hypothèse, est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que ces jugements d'animaux, notamment qui ont pu causer la mort d'autrui, la mort d'hommes, font partie d'une sorte de travail du deuil? De même qu'aujourd'hui, hein, on en parle, c'est extrêmement actuel, extrêmement contemporain, de vouloir juger des malades mentaux qui ont causé la mort d'hommes, de vouloir les juger de façon à ce que les proches puissent faire le travail du deuil. Est-ce qu'il n'y a pas également, vis-à-vis de ces animaux, un tel travail également ? Oui, et de façon générale, je pense qu'on peut dire que, aux yeux des hommes et des femmes du Moyen Âge, les animaux, et en cela, bien entendu, les laïcs étaient aidés par l'interprétation des clercs, des prêtres, le monde animal était en quelque sorte une vitrine du monde humain, les animaux étant la mise en évidence du monde humain, soit par ressemblance, soit au contraire par différence. C'est pour ça que les documents médiévaux sont si bavards sur l'animal, textes, images, rituels, traditions orales, faits de langue. L'animal est présent partout, justement pour faire des comparaisons avec l'homme, souligner soit une certaine communauté des êtres vivants, soit au contraire de grandes différences entre l'homme créé à l'image de Dieu et la créature inférieure qu'est l'animal. Et comme l'a dit le médiéviste Robert Delors, ceci montre bien que les animaux ont une histoire. Alors, parmi ces animaux, il y en a certains, Michel Pastoureau, qui vous ont particulièrement intéressé. Dans la mesure où la vision qu'ont les hommes et les femmes du Moyen-Âge de ce monde animal s'organise souvent en une sorte de vision d'un monde royal, d'une cour, comme le fera d'ailleurs La Fontaine dans ses fables. Eh bien, à l'image des monarchies terrestres et humaines, les cours animalières ont un souverain. Et au cours du Moyen-Âge, vous avez montré que ce souverain change. À l'ours succède le lion. Voilà, oui, au début du Moyen-Âge, dans une large partie de l'Europe, le roi des animaux, c'est l'ours. Dans le monde germano-scandinave, dans le monde slave, dans le monde celte, l'ours est le premier, le plus fort des animaux. Dans le monde méditerranéen, c'est déjà le lion, comme c'est le lion dans les traditions orientales, asiatiques et africaines. Et donc, du point de vue culturel, tout au long du Moyen-Âge, il y a une espèce de guerre pour ce trône des animaux entre l'ours et le lion. Et si le lion l'emporte, au fond, c'est parce que l'Église joue le lion contre l'ours. L'Église médiévale a très peur de l'ours, qui est physiquement présent sur tous les terroirs et qui, jusqu'en plein 11e ou 12e siècle, fait ici ou là l'objet de cultes païens, probablement hérités de la proto-histoire, voire plus en amont, et qui effraie. L'ours est pensé comme très anthropomorphe, comme un cousin de l'être humain, comme, au moins pour le mâle, un grand amateur de femmes. Il y a beaucoup d'histoires racontant qu'un ours mâle a enlevé une jeune fille, l'a violée et l'a donné naissance un garçon qui est un fils d'ours, en général un guerrier redoutable, les rois de Norvège ou de Danemark, par exemple, à l'époque où les généalogistes sont à la mode, au XIIe siècle, prétendent descendre d'un ancêtre ours, ce qui est cause de scandale. Bref, nous voyons encore, pardonnez-moi de vous couper, aujourd'hui, chez des populations montagnardes, des Alpes ou des Pyrénées, l'émoi que peut causer la réintroduction de l'ours, pour ne pas parler d'un autre animal dont il ne sera pas question ici, mais qu'il ne faut pas oublier, qui est le loup. Et on peut penser que, quel que soit le lien fait par nos montagnards d'aujourd'hui avec les méfaits, les dégâts de ces animaux, il y a tout un arrière-plan qui remonte en particulier au moins au Moyen-Âge. Oui, l'ours n'est pas un animal ordinaire, il a un statut à part, il est presque un être humain, il se tient debout, il prend avec ses pattes antérieures. Pline raconte que les ours s'accouplent more hominum, mais non pas à la façon des quadrupèdes. Donc l'Église est effrayée par tout cela, et elle préfère promouvoir le lion sur ce trône de roi des animaux. Le lion n'est pas physiquement présent en Europe, il appartient aux traditions écrites, plus facile à manier que les traditions orales, et à peu près pendant un millénaire, elle dévalorise l'ours dans tous les domaines, et finit à la fin du XIIe ou au XIIIe siècle par installer le lion sur ce trône de roi des animaux. Le roman de Renard est au fond le bon point d'aboutissement dans les plus anciennes branches du roman de Renard, c'est déjà le lion qui est le roi. Dans quelques branches anciennes, l'ours est encore le vice-roi, et puis ça va disparaître. L'ours va devenir un animal de foire, de marché, qui fait des tours, qui danse, qui se ridiculise, qui n'est plus le roi des animaux. C'est sur l'ours que vous proposez, Michel Pastoureau, un premier texte à l'attention de nos auditeurs. C'est un extrait d'un bestiaire d'auteur anonyme en latin, de la fin du XIIe siècle. C'est pour nous aussi l'occasion de souligner que l'intérêt du Moyen-Âge pour les animaux s'est exprimé dans le nombre et le succès de ces ouvrages où les animaux sont présentés à la fois sous leurs traits naturels et sous leurs traits symboliques, les bestiaires. La tête de l'ours est très faible, et toute sa force réside dans ses bras et ses reins. C'est pourquoi il affectionne particulièrement la position debout. Ce sont des bêtes, soucieuses de se soigner. Aussi, si l'ours est atteint d'une maladie grave ou s'il a reçu une blessure, sait-il se soigner lui-même. Il a recours à une herbe que les Grecs appellent phlomus, qu'il applique sur la blessure. Et au seul contact de cette herbe, il trouve la guérison. Un ours malade mange des fourmis. Les ours de Numidie l'emportent sur tous les autres, si l'on en juge à l'épaisseur et à l'abondance de leur fourrure. Pourtant, quelle que soit son origine, cette bête reste la même. Les ours ne s'accouplent pas comme les autres quadrupèdes, mais s'enlacent et s'étreignent comme un homme et une femme. C'est en hiver que l'ours ressent la brûlure du désir amoureux. Les mâles honorent leurs femelles enceintes d'un grand respect et d'une grande retenue. Et lors de l'accouchement, bien qu'ils soient dans la même tanière, ils font lit à part. La femelle, pressée d'accoucher, délivre son ventre au 30e jour. C'est pourquoi cette gestation précipitée ne peut donner naissance qu'à une progéniture informe composée de petits morceaux de chair sans yeux. Et la femelle, peu à peu, en les léchant, leur donne forme et vie, les réchauffe serrés contre sa poitrine afin de leur insuffler la vie. Et durant les 14 premiers jours, la mère ne prend aucune nourriture. C'est alors qu'elle sombre dans un sommeil si profond qu'on pourrait la battre ou la tuer sans qu'elle s'éveille. Et pendant 3 mois, elle demeure à l'écart, cachée avec ses petits. Mais dès qu'elle revient au jour, la lumière à laquelle elle n'est plus habituée la blesse si violemment qu'elle semble frappée de cécité. Les ours sont à l'affût des ruches et sont friands surtout des rayons de miel, et il n'est rien qu'ils ne mangent avec plus de gourmandise que le miel. Au contraire, s'ils mangent des fruits de la mandragore, ils meurent. Pourtant, en se précipitant sur des fourmis pour les dévorer, ils peuvent conjurer la mort et ainsi recouvrer leur santé. Nous n'allons pas, quel que soit l'intérêt du personnage, peut-être nous attarder sur le lion. Nous aurons d'ailleurs à la fin de l'émission un texte sur le lion. Mais je voudrais que vous disiez à nos auditeurs quelques faits qui, je crois, sont particulièrement intéressants à propos du lion. Je note très rapidement que dans toute cette histoire du symbolisme, un point de référence qui, dans une civilisation, ou parfois, le symbolisme vient d'une période antérieure ou soustraite à l'influence de l'Église et du christianisme, malgré tout. Le christianisme joue le rôle fondamental qu'il joue au Moyen-Âge, je veux parler par là du rapprochement avec le Christ. Les animaux christiques ont une très grande importance et le rapprochement Lion-Christ est un des rapprochements qui le montre. Ce sur quoi je voudrais vous interroger pour nos auditeurs, c'est le cas du léopard. Qu'est-ce que c'est le léopard ? Le léopard, c'est presque une invention du XIIe siècle. En effet, le lion du haut Moyen-Âge, du point de vue symbolique, il est ambivalent, comme le lion biblique. Il y a un bon et un mauvais lion. Saint Augustin, par exemple, qui n'aime pas le lion, souligne les mauvais aspects du lion. Le lion du livre des psaumes, sauve-moi de la gueule du lion. Peut-être un réflexe d'Africain, c'était Augustin. Augustin est assez effrayé par tous les animaux, d'une manière générale. Mais c'est le père aussi de la symbolique médiévale, donc son discours est important dans la longue durée. Mais néanmoins, il y a un deuxième lion, un bon lion, qui ne cesse d'occuper une place importante au fil des siècles. Et alors, quand le lion est mûr pour son sacre comme roi des animaux, son sacre définitif au XIIe siècle, que faire des mauvais aspects du lion? Et alors là, la culture médiévale a ce coup de génie, elle invente un animal qui est un cousin du lion, le léopard, qui n'a aucun rapport avec le léopard véritable, ou peu de rapport, et qui est le mauvais lion. Il se charge de tous les mauvais aspects du lion, donc le lion, proprement dit, lui ne garde que les bons aspects, c'est un animal soupape, c'est un animal émissaire, bouc émissaire. Il y a eu quelque chose de déconcertant, c'est que cet animal diabolisé, le léopard, il est adopté comme signe symbolique, comme emblème, par la dynastie des rois anglais Plantagenet. Jacques Berlioz, vous expliquez ça ? On peut peut-être replacer ça dans l'ambiance générale des propres au XIe et au XIIe siècle, surtout des familles qui se placent sous le signe du diable et sous le signe du diabolique. On peut penser évidemment à la famille de Normandie avec Robert le Diable, mais cela est assez tardif. Mais d'autres familles, comme la famille d'Angleterre, se placent sous le signe du démon ou comme d'autres sous le signe de la démone. Et donc, l'on peut peut-être penser qu'il s'agissait d'un artifice de pouvoir de se mettre comme ça sous ce signe diabolique. Oui, le symbolisme aussi utilise ces sortes de contre-pieds, de renversements. Voilà, la symbolique est d'autant plus forte qu'elle fait scandale. Exactement. Michel Pastoureau, je pense que nous allons passer rapidement, le temps malheureusement nous manque, sur une autre bête diabolisée au Moyen-Âge, le sanglier. Et vous montrez très bien combien se met en place au cours du Moyen-Âge, une sorte de couple d'animaux de chasse, un diabolisé et un autre, au contraire, promu, si je peux dire, le sanglier et le cerf. Oui, les Romains, les Germains, les Gaulois adorent chasser le sanglier parce que c'est un combattant redoutable. Ils n'aiment pas chasser le cerf qui fuit, qui se sauve. L'Église médiévale, qui a horreur de la chasse mais qui n'arrive pas à la supprimer, en tout cas la vénerie, préfère promouvoir le cerf parce que c'est une chasse moins sauvage. Elle ne se termine pas par un corps à corps entre le chasseur et la bête, comme la chasse au sanglier ou la chasse à l'ours. Donc pendant plusieurs siècles, elle va insister insister sur la façon dont le cerf est le gibier noble et même un symbole du Christ, avec un jeu de mots entre Servus, le sauveur, et Kervus, ou qui se prononçait peut-être Servus aussi, et au contraire dévaloriser le sanglier, animal diabolique, bête impure, bête redoutable, cousin du cochon domestique. Et elle y parvient. À la fin du Moyen-Âge, même déjà au XIIIe siècle, les rois, les princes, les grands seigneurs chassent le cerf et non plus le sanglier. Et là encore, certains événements accidentels, spectaculaires, côtoient ce symbolisme. Je pense en particulier à la mort de Philippe le Bel en novembre 1314, lors d'une chasse où il chassait le sanglier. Voilà, et cette mort en 1314 a été ressentie comme une mort impure, une punition. Ça serait passé à l'époque de Charlemagne, c'était une mort noble, mourir à la chasse victime d'un sanglier. Eh bien, en 1314, cela ne l'est plus, et naturellement, on y a vu une punition envers ce roi, qui était très controversé, et qui est mort non pleuré de ses sujets. Michel Pastoureau, nous allons vous suivre tout en restant dans un cadre au départ naturel, malgré son symbolisme, et mais passer du monde animal au monde végétal. Et je voudrais que vous présentiez à nos auditeurs, comme vous le faites dans votre livre, d'une part les vertus du bois, et par conséquent le personnage symbolique de l'arbre, et d'autre part dans le monde des fleurs, une fleur éminemment symbolique, la fleur de lys. Oui, le bois, c'est au fond la principale richesse de l'Occident européen, qui est grand exportateur de bois, notamment vers l'islam, qui en manque cruellement. Donc le bois est signe de richesse et il est signe d'admiration. On aime les arbres au Moyen-Âge, on les respecte, on y voit des sortes d'êtres humains. L'historien d'ailleurs peut s'interroger sur quel est l'arbre préféré des populations médiévales. Pour ma part, je crois que c'est le tilleul, oui, qui est l'arbre source de toute les merveilles, source de toute la pharmacopée, l'arbre qui retentit de la musique des abeilles. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de poser la question, quel lien existe-t-il entre la symbolique ou les croyances qui entourent un arbre et son bois et l'usage que l'on en fait? Est-ce qu'à côté des propriétés physiques et chimiques des bois, il y a aussi des considérations symboliques? Par exemple, la plupart des instruments de musique médiévaux sont taillés dans du bois de tilleul, qui symboliquement est le bois de la musique. Virgile le chante déjà dans les Géorgiques. Est-ce que cela est accidentel ou au contraire tout à fait naturel? Et alors la fleur de lys? Alors la fleur de lys, c'est naturellement l'emblème héraldique des Capétiens, puis des rois de France, et même de la France, à la fin du Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Elle a fait couler beaucoup d'encre. On a cherché à savoir qu'est-ce qui se cachait derrière cette figure très stylisée. En fait, il se cache une fleur, tout simplement, et probablement la fleur du lys, qui, avant d'être l'emblème des rois de France, est un des attributs de la Vierge. Et on peut remarquer d'ailleurs que lorsqu'ils se dotent d'armoiries, les rois de France, au XIIe siècle, empruntent la couleur bleue, qui est un attribut marial, sa couleur iconographique, et son attribut floral, la fleur de lys, symbole à la fois de fécondité, de fertilité, mais aussi de souveraineté. Il y a cette double dimension dans la fleur de lys. Et c'est au moment où le royaume de France est placé sous la protection de la Vierge, à l'époque de Louis VII, sous l'influence et de Saint Bernard et de Sugère, et au début du règne de Philippe Auguste, que cette figure est choisie comme figure héraldique des premières armoiries des rois de France, et qui se compose non pas d'une fleur de lys, mais d'un semé de fleurs de lys, ce qui est une autre originalité, et qui renvoie à l'idée d'un décor cosmique. Au fond, les rois de France portent leurs armoiries, dans leurs armoiries et sur le manteau de leur sacre, une portion de ciel, au fond, un décor tout à fait cosmique. L'arbre, la fleur de lys, la promotion de la fleur de lys à travers d'abord la Vierge, puis les rois de France, vous avez ainsi pu parler d'une monarchie végétale. Oui, je crois que ça n'est pas une expression abusive que de dire que la monarchie médiévale française est végétale, alors que la plupart des monarchies voisines sont animales. Le roi de France est, au fond, le seul souverain qui n'ait jamais eu d'animal dans ses armoiries, mais un végétal. Et puis, il complète cette figure par d'autres végétaux. La palme qui se transforme progressivement en main de justice, rose, marguerite qui ont accompagné l'emblématique para-héraldique à la fin du Moyen-Âge. Je crois qu'on peut ranger le chêne de Saint-Louis dans cette monarchie végétale. Le témoignage de Joinville nous montre que ce n'est pas une légende. Donc je crois que c'est une expression que l'on peut appliquer au roi de France qui... dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, au fond, n'ont jamais voulu se comporter comme les autres, se vouloir différent, original. Jacques Berlioz ? Non, simplement, on peut rebondir toujours sur le côté symbolique qui fait intervenir les contraires. C'est que, et Michel Pastoureau le montre bien, c'est qu'on a accusé au départ, enfin Clovis, d'avoir dans ses armes des crapauds, trois crapauds, qui auraient été remplacés par la fleur de lys. Donc là, le passage, à la fois l'opposition entre le crapaud et la fleur de lys, le monde animal et diabolique, et le côté végétal et christique. Oui, cette légende des trois crapauds de Clovis se met en place dans la seconde moitié du XIIIe siècle et se rattache à sa conversion. Au moment de la conversion, un ange est descendu du ciel à apporter un écu à trois fleurs de lys ou à semer de fleurs de lys au lieu de l'écu à trois crapauds. Avec la fleur de lys, Michel Pastoureau, nous avons déjà fait un pas dans le monde des couleurs. Vous avez évoqué le bleu, on pourrait évoquer le rouge, à propos du lys florentin. Le bleu, je signale que vous avez, il n'y a pas longtemps, écrit un livre superbe, un chef-d'œuvre sur la couleur bleue, que nos auditeurs trouveront dans la bibliographie de cette émission sur Internet. Donc, nous arrivons maintenant dans le monde des couleurs que vous avez spécialement marqué, je crois, de votre empreinte. Une histoire des couleurs est-elle possible, vous demandez-vous ? Et votre réponse, c'est oui, car la couleur est un fait de société. Alors, cette déclaration provocante, comment la justifiez-vous ? Oui, donc je m'intéresse depuis longtemps à l'histoire des couleurs et ma première réflexion il y a 25 ou 30 ans a été de me demander pourquoi historiens de l'art, archéologues, ont-ils si rarement parlé des couleurs ? Et si mal parlé. Et si mal parfois. La réponse, c'est que c'est difficile de parler des couleurs, difficultés documentaires, nous voyons les couleurs du passé telles que le temps les a faites et non pas dans leur état d'origine. Nous les voyons dans des conditions de lumière et d'éclairage tout à fait différentes des sociétés qui ont vécu avant la lumière électrique. Difficultés méthodologiques devant les images et les œuvres d'art en couleur. Difficultés épistémologiques surtout. Impossibilité de projeter dans le passé nos conceptions, nos définitions, nos classements actuels de la couleur. Donc, ça a été une première réflexion et rapidement je me suis aperçu que là où l'historien avait prise, c'était sur les pratiques sociales de la couleur, le lexique, le vêtement, la fabrication des couleurs, les codes, les étiquettes. Là, les documents sont bavards et l'historien a prise. Dès qu'il cherche à étudier la fonction poétique, esthétique, onirique de la couleur, là, elle se fait rebelle à l'analyse. Ce qui me fait dire, en effet, que les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société et que ce n'est pas la nature qui fait la couleur, ni le couple œil-cerveau, mais bien la société. En tout cas, je crois que pour l'historien, comme pour l'anthropologue ou le sociologue, les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes sociaux. Et alors là, on voit comment, pour les historiens, de façon générale, pour le public moderne et contemporain, la difficulté de concevoir le Moyen-Âge pour ce qu'il a été, c'est-à-dire une époque vraiment fortement colorée, tient à l'effacement historique de la couleur. Ce qui était coloré ne l'est plus. Oui, À la fin du Moyen-Âge, par exemple, au moment où apparaît l'imprimerie et la gravure, on passe en quelques décennies d'images qui étaient totalement polychromes, les images médiévales, vers les images modernes qui sont très majoritairement en noir et blanc, imprimées en noir sur blanc. C'est une révolution de sensibilité de très très grande ampleur. Mais elle a été préparée par un terrain à la fois moral et religieux, les morales de la couleur, dont on peut trouver les plus anciennes traces chez quelques prélats et théologiens de l'époque carolingienne, mais surtout du XIIe siècle. Là, il faut citer Saint Bernard, qui est connu pour sa guerre faite aux images. Il est iconoclaste, mais il est aussi chromoclaste. Saint Bernard, contrairement à la plupart de ses contemporains, pense que la couleur, ça n'est pas de la lumière, ce qui est l'opinion de Sugère, par exemple, qui fait mettre de la couleur partout lorsqu'il fait reconstruire l'église abbatiale de Saint-Denis. Mais Bernard, lui, pense que c'est de la matière, donc une chose abominable qui gêne le contact entre le chrétien ici-bas, et spécialement le moine, et le monde d'en haut. Donc dans les églises cisterciennes, il recommande de mettre le moins de couleurs possible. C'est un cas très très intéressant vraiment que celui de Saint Bernard, qui en plus distingue très nettement le clair du brillant, chose que nous avons tendance à confondre. Quand on étudie le vocabulaire de Bernard, le clair c'est très bien, la clarté conduit à Dieu, mais la brillance, comme l'or par exemple, c'est abominable. Oui. Alors là vous venez de noter ce qui est une couleur et ce qui ne l'est pas, qui est aussi autre chose, et qui semble avoir été l'objet de grands débats au Moyen-Âge, c'est l'or. C'est l'or, oui, qui est à la fois matière, lumière et couleur. Alors, qu'est-ce qui est le plus important de l'or? Selon les réponses que l'on va apporter, on va le valoriser, ou au contraire, le tenir, comme Bernard, pour une chose abominable, sans compter naturellement sa dimension économique. Jacques Berlioz. On le voit très bien, effectivement, lorsqu'on ouvre, quand on le peut, des manuscrits médiévaux où précisément l'or peut intervenir ou ne s'y trouve pas. Et on le voit dans les manuscrits cisterciens, par exemple, où quand brusquement on voit l'influence de Saint Bernard, où l'on passe de la couleur, des couleurs à une seule couleur. Donc là, effectivement, c'est tout un monde, c'est-à-dire le monde de l'enluminure qui est à relire et qui commence à l'être en fonction de ces nouvelles recherches, des recherches de Michel Pastoureau. Des morales de la couleur qui ont des racines médiévales et qui vont être prises au XVIe siècle par les grands réformateurs protestants, qui eux aussi sont de grands chromoclastes. Pour marquer l'importance de la couleur dans la civilisation médiévale, vous signalez ce qui, je pense, est peu connu, que, par exemple, tous les vêtements, même les vêtements des gens modestes, des pauvres gens, sont teints. Oui, il faut corriger ici l'idée qu'il y a les riches qui ont des vêtements en couleur et puis les pauvres qui ont des vêtements non teints. Non, on teint toutes les étoffes, mais il y a teinture et teinture. Et la teinture villageoise ou artisanale produit des couleurs qui tiennent mal sur les fibres de l'étoffe, donc des tons délavés, pisseux, on dirait nous aujourd'hui. Et au contraire, les princes, les rois, les seigneurs, des couleurs franches, lumineuses, solides. Et l'œil médiéval est très sensible à ces différences. Couleurs denses, franches, lumineuses, ou couleurs délavées, désaturées, même quand il s'agit de la même couleur, le bleu ou le rouge, par exemple. Il faut aussi noter que dans cette histoire de la couleur au Moyen-Âge, apparaît, vous le soulignez, fête sociale, encore une fois, une notion et une pratique d'une très grande importance qui est la mode. Et dans ce cadre de la mode, vous soulignez ce qu'on a envie d'appeler, grâce à vous, un des grands événements de la civilisation médiévale, qui est la promotion du bleu. Oui, c'est un des grands faits chromatiques au cœur du Moyen-Âge, le bleu qui existe avant le XIIe siècle, mais qui est une couleur discrète, qui compte peu notamment sur le plan symbolique et qui est peu abondant dans la vie quotidienne et la création artistique, à partir de la fin du XIe ou du XIIe siècle, connaît une incroyable promotion dans tous les domaines, devient une couleur à la mode dans l'étoffe et le vêtement, dans le monde des images, vitraux, émaux, enluminures, peinture, peinture. Il a deux agents de promotion extraordinaires, la Vierge dans les images, qui s'habille de bleu à partir des années 1100, et le roi de France, qui porte des armoiries à fond bleu, puis qui, au XIIIe siècle, s'habille fréquemment de bleu, ce que Charlemagne, par exemple, n'aurait jamais fait. Terminons, si vous voulez bien, cette évocation des couleurs symboliques par deux aspects négatifs. Nous retrouvons forcément le diable dans vos symboles. Et ces deux aspects plus ou moins négatifs, c'est d'abord celui d'un des symboles diaboliques les plus forts au Moyen-Âge, qui est l'homme roux. Oui, l'homme roux au Moyen-Âge est un homme dévalorisé, la femme rousse également. C'était déjà le cas dans un certain nombre de cultures antiques. Le Moyen-Âge, au moins dans les images, a tendance à accentuer ce problème. L'un des cas les plus faciles à étudier, c'est celui de Judas, le traître par excellence, qui, dès la fin de l'époque carolingienne, est présenté dans les images et dans les textes aussi, comme ayant une chevelure rousse, ponctuellement d'abord, puis systématiquement à partir des 12e, 13e siècles. La couleur rousse a à voir avec la trahison, comme si elle réunissait sur elle le mauvais rouge plus le mauvais jaune, d'autant qu'à la rousseur sont associées les taches, qui sont naturellement des signes de grand péché. Et également, comme dans toute société, l'homme roux, les cheveux roux, sont des éléments qui font écart par rapport au plus grand nombre, au blond ou au brun. Et ensuite, ce qui pourra étonner, c'est que dans ce monde qui est tellement sensible, et en général positivement, à la couleur, les spécialistes, si l'on peut dire, de la couleur, sont plutôt méprisés, ce sont les teinturiers. Oui, les teinturiers sont des mal-aimés au sein du monde des artisans médiévaux. Ce sont des personnages qui ont laissé beaucoup de traces dans les documents parce que ils sont querelleurs, ils sont fâchés avec tout le monde, avec les autres corps de métier, notamment ceux qui, comme eux, ont besoin des eaux de la rivière, les tanneurs notamment, ou bien ils sont fâchés entre eux, parce que l'on est très spécialisé quand on est teinturier. On teint dans la gamme des bleus ou on teint dans la gamme des rouges, ce ne sont pas les mêmes officines. Les teinturiers de bleu teignent en noir et en vert, les teinturiers de rouge en jaune et en blanc. Et puis ils sont fâchés naturellement avec les marchands, avec les autorités municipales et avec la population qui leur reproche d'empuantir et de salir la ville et les rues et les eaux. Michel Pastoureau, dans le peu de temps qu'il reste malheureusement dans notre émission, je vous propose de passer assez rapidement sur un symbole dont vous avez largement traité dans vos œuvres et que nos auditeurs soit connaissent déjà ou pourront voir dans votre magnifique traité d'héraldique. C'est donc le thème de l'emblème, sauf peut-être sur un point que vous développez très bien dans cet ouvrage, qui est celui du cimier. Oui, le cimier, c'est un élément complémentaire des armoiries, c'est la figure emblématique, héraldique presque, qui décore le casque et qui, d'individuel au départ, devient souvent familial et sur laquelle se greffent des légendes de toutes sortes expliquant la généalogie plus ou moins fabuleuse de telle ou telle famille. Ces cimiers se prêtent à discours et pour l'historien c'est un document extrêmement riche qui permet de rattacher l'héraldique à la fois à l'histoire culturelle et à l'histoire météorologique au bas Moyen-Âge. C'est ce que vous appelez un élément totémique, avec le talent que vous avez à réunir les thèmes médiévaux dont vous parlez avec des problématiques plus générales. Oui, il faut manier cet adjectif avec précaution. Ce n'est pas tout à fait le totem au sens où les anthropologues le discutent, mais il y a quelque chose de cela. Le cimier rattache à un ancêtre lointain et relève de la mythologie de la parenté. Vos lecteurs trouveront également dans votre ouvrage une étude très intéressante sur, je dirais, la difficile transition des armoiries au drapeau, sur la difficile naissance du drapeau lié à la naissance soit de l'État, soit de la nation. Je voudrais que les quelques minutes qui nous restent, vous voulez bien les consacrer au dernier thème, le jeu. Très volontiers. Donc, je suis un joueur d'échecs rentré, alors je me suis transformé en historien du jeu d'échecs, et notamment en historien de l'arrivée du jeu d'échecs en Occident. Donc, une étude de ce livre s'attarde sur ce jeu qui est né probablement aux Indes, vers le VIe siècle de notre ère, qui a été transmis à la culture persane, puis musulmane, qui s'est modifiée une première fois, et l'Occident le reçoit de l'islam, par une double voie, la voie méditerranéenne, et puis aussi la voie scandinave, les marchands scandinaves l'ayant rapporté des régions de la mer Noire vers l'Occident. Et quand le jeu arrive en Occident, vers l'an 1000, il correspond à des sensibilités et à des systèmes de valeurs orientaux. Donc il faut le repenser. Il faut repenser la nature des pièces. Par exemple, il y a un vizir dans le jeu arabo-musulman. Ça ne signifie rien pour l'Occident. Donc le vizir va se transformer rapidement en reine. Il y a un éléphant qui joue un rôle dans les armées indiennes et persanes, mais qui n'en joue pas dans les armées occidentales. Et curieusement d'ailleurs, l'éléphant du jeu indien va devenir en Occident tantôt un fou, tantôt un évêque, parce que dans les pièces stylisées arabes, l'éléphant se réduisait à ses deux défenses, et ces deux défenses ont été interprétées comme une mitre d'évêque ou comme un bonnet de fou. Et là encore, nous allons voir la morale s'emparer de ce thème et de ce jeu, et en particulier vers 1300, le dominicain Jacques de Cessolles écrit un traité qui a eu un très grand succès sur les échecs moralisés. Nous sommes malheureusement obligés, Michel Pastoureau, Jacques Berlioz, de laisser là ce monde symbolique du Moyen-Âge, que nos auditeurs certainement auront à cœur de mieux connaître à travers votre livre, dont je rappelle qu'il s'agit de Une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental, publié par Michel Pastoureau aux éditions du Seuil, et nous allons laisser ce monde symbolique médiéval en compagnie du grand seigneur, le lion. Yvain et le lion reconnaissant, dans le grand poème de Chrétien de Troyes, le chevalier au lion, de la seconde moitié du XIIe siècle. Monseigneur Yvain chemine, pensif, à travers une forêt profonde. Soudain, il entend au cœur des fourrés un grand cri de douleur. Il se dirige alors de ce côté, et quand il y parvient, il voit dans un essart un lion qu'un serpent tenait par la queue en lui brûlant l'échine d'une flamme ardente. Monseigneur Yvain ne s'attarde guère à contempler ce prodige, mais il délibère en lui-même. Auquel des deux va-t-il porter secours ? C'est dit, il se rangera du côté du lion, car aux êtres venimeux et félons, on ne doit faire que du mal. Or, le serpent est venimeux. Du feu lui jaillit de la gueule, tant il est plein de félonie. Aussi, Monseigneur Yvain se décide-t-il à le tuer d'abord. Il tire son épée, s'avance et met son écu devant son visage pour éviter la brûlure des flammes que l'animal vomit par une gueule plus large qu'une marmite. Avec son épée au tranchant bien affilé, il se lance à l'attaque du félon serpent. Il le tranche jusqu'à frapper le sol, et des moitiés faits des tronçons frappent et refrappent et lui assènent tant de coups qu'il le décharne et le dépaisse tout entier. Mais il lui faut trancher un morceau de la queue du lion, où restait accrochée la tête du félon serpent. Il en tranche autant qu'il en faut, il ne peut guère moins. Le lion, délivré, il crut qu'il lui faudrait se mesurer à l'animal et subir ses assauts. Mais ce dernier était bien loin d'avoir de tels desseins. Écoutez ce que fit alors le lion, comme il se conduisit en être noble et généreux, comme il se mit à exprimer sa soumission. Il tendait vers lui ses deux pattes jointes et inclinait la tête vers le sol en se dressant sur celle de derrière. Puis il s'agenouillait et mouillait de larmes toute sa face par humilité. Pour Monseigneur Yvain, aucun doute. L'animal marque sa gratitude et s'humilie devant lui qui l'a fait échapper à la mort en tuant le serpent. Cette aventure le remplit de joie.